la malvie. C'est se sentir en trop dans une pièce vide, c'est se mirer la face et n'y voir que des rides. La malvie, c'est l'ami de tout temps, te serrant dans ses bras pour te dire je t'aime et toi qui n'y crois pas. La malvie, c'est rêver de pays qui n'existeront plus et regretter tout bas qu'il ne t'ait attendu. La malvie, c'est parler une langue que l'on ne saisit pas, qui pourtant fut la tienne et toujours le sera. La malvie, c'est toujours dire nous lorsque l'on pense je, pour se sentir moins seul, participer un peu. La malvie, c'est s'excuser du geste que l'on vient de commettre, s'excuser à personne mais renverser la tête. La malvie, c'est d'être plus affable pour ne pas déranger, c'est d'être persuadé que l'on va déranger. La malvie, c'est de se retourner au moindre nom crié, c'est oublier le sien pour le réinventer. La malvie, c'est quand la gentillesse remplace le bonheur, c'est tout donner aux autres pour mieux masquer ses pleurs. La malvie, c'est quand la montre tourne sans jamais défaillir et qu'on la sait par cœur sans jamais le lui dire. La malvie, c'est renvoyer à hier ce que l'on fera demain, c'est tout rêver de dos et puis n'attendre rien. La malvie, c'est quand le cœur et l'âme ont vécu corps à part, qu'ils se sont ignorés le jour du grand départ pour la vie.